Chapitre 32e. C'était le dimanche matin qu'avait eu lieu cet entretien entre Michel et Thérèse. En choisissant ce jour, Michel avait voulu se mettre en état de répondre à Antoine ainsi que cela avait été convenu entre eux. Le colonel n'était pas alors à l'hôtel. Il était parti le matin pour aller à Versailles prendre des mandats de poste qu'il envoyait à plusieurs de ses blessés. À ce moment, pour se rendre de Paris à Versailles, il fallait faire un véritable voyage. Tout d'abord, on allait à Saint-Denis, qui était occupé par les Prussiens. À Saint-Denis, on trouvait des voitures pour Maison Lafitte qui passaient par Épinay et Argenteuil, car les obus pleuvaient dans la presqu'île de Gennevilliers. À Maison, on prenait une autre voiture pour Saint-Germain, et à Saint-Germain, une autre voiture pour Versailles. Le colonel ne pouvait donc être de retour que le lundi. Le mardi, le mercredi, on ne le vit pas paraître. Horace partit à son tour pour Versailles, mais tous ceux avec lesquels le colonel avait des relations ne l'avaient pas vu. À la poste, on put affirmer d'une façon absolue que le colonel n'avait pas fait de versement, ni le dimanche, ni le lundi, ni le mardi. Il n'avait donc point été à Versailles, cela paraissait démontré. Chacun se mit en recherche. On s'adressa à Soriol, que ses fonctions de membre du gouvernement mettaient à même de savoir la vérité. Mais quand on lui manifesta la crainte que le colonel eût été arrêté, il poussa les hauts cris. « Arrêtez quelqu'un qu'on sait être de mes amis. Allons donc, c'est fou ce que vous dites là. » Cependant, quand on lui fait observer que ceux qui avaient arrêté le colonel, s'il était vrai qu'il eût été arrêté, avaient pu ignorer que leur prisonnier était l'ami de Soriol, le membre de la commune, il se radoucit et voulut bien promettre de faire des recherches pour savoir si une erreur n'avait pas été commise. Ses recherches ne furent pas longues. Il avait acquis la certitude que le colonel n'avait pas été arrêté, au moins à Paris. Pourquoi aurait-on arrêté un homme tel que lui? Seulement, il avait bien pu être arrêté à Versailles, car les Versaillais étaient capables de tout. Au moins, c'était l'opinion présente de Soriol. On chercha à Versailles, mais là on obtint la même réponse qu'avait faite Soriol. Pourquoi aurait-on arrêté le colonel Chamberlain? Cette disparition était mystérieuse. Jusqu'à ce moment, Michel n'avait parlé à personne des coups de revolver qui les avaient accueillis, le colonel et lui, ou plutôt qu'avait accueilli le colonel dans le fossé du champ de bataille de Saint-Cloud. Les circonstances présentes lui faisaient un devoir de ne pas se taire plus longtemps et de dire la vérité à Antoine. Mais comment dire la vérité entière? Il ne pouvait pas parler d'Anatole. Il raconta non seulement l'attaque qui avait répondu à l'appel du colonel et expliqua comment, selon lui, cette disparition mystérieuse pouvait être la conséquence de cette attaque. Le colonel avait des ennemis, ils avaient voulu l'assassiner autrefois dans la forêt de Marly, ils avaient renouvelé leur tentative à Saint-Cloud. Ne l'avaient-ils pas encore renouvelé à Paris ou sur le chemin de Versailles en réussissant cette fois? Mais cette façon de rattacher ces diverses tentatives les unes aux autres éveilla les soupçons d'Antoine. Comment était cet homme qui a tiré les coups de revolver? Demanda Antoine. Grand, large d'épaule, avec un nez d'oiseau de proie. Et l'autre? Michel, surpris par cette question, voulut improviser un signalement, mais il s'embrouilla et balbutia. Je ne l'ai pas bien vu, dit-il enfin. Antoine avait été pris d'un tremblement qui faisait claquer ses dents. Jure que tu ne l'as pas vu, dit-il d'une voix sourde. Mais jure-moi sur ton honneur que tu ne l'as pas reconnu. Michel, atterré, garda le silence. Antoine se laissa tomber sur une chaise et se cacha la tête entre ses mains. Des paroles entrecoupées s'échappaient de ses lèvres. Lui, c'était lui. Après un moment de prostration, il abaissa un peu ses mains, mais cependant sans cesser de cacher son visage. Ainsi, dit-il, tu penses que la disparition d'Édouard est la suite des tentatives d'assassinat de Marly de Saint-Cloud? Je me dis que l'homme au revolver a pu, trouvant le colonel dans un endroit favorable à son dessein, l'assassiner. L'homme au revolver est probablement un bandit célèbre qu'on appelle le Fourrier. Mais il n'est que le complice d'un autre bandit, car celui qui a voulu faire assassiner Édouard n'est pas un ennemi comme tu le supposes, c'est un héritier. Voilà où conduit la loi de l'héritage. Oh, c'est impossible! Antoine était accablé. Ce n'était pas seulement son neveu qu'il pleurait, c'était encore la culpabilité de son fils qui le frappait. Édouard, tué par Anatole, le fils de son cœur, par le fils de son sang. à qui s'adresser pour organiser des recherches dans le désarroi général où l'on se trouvait et quand rien n'existait plus. Horace, Deniso et Antoine se multipliaient. Mais que pouvaient-ils en présence d'une réponse toujours la même ? Nous ne savons pas ce que vous voulez dire. Michel, qui devait quitter l'hôtel Chamberlain, ne partit point comme il l'avait annoncé à Thérèse. Il n'avait pas à fuir devant le bonheur de Thérèse. C'était de sa douleur et de son désespoir qu'il était témoin. Et il s'efforça de la consoler. Mais que pouvait-on lui dire ? Quelles paroles d'espérance avait-il à lui donner ? Au moins, il lui apportait sa sympathie. Et refoulant sa propre douleur, il lui parlait de celui qu'elle aimait. Il faisait son éloge, et ingénieusement, il cherchait à la convaincre qu'il devait revenir un jour ou l'autre. Près de lui, elle pouvait pleurer librement, et par de douces paroles, il berçait cette douleur qu'il ne pouvait consoler. Il y a des hommes qui doivent mourir jeunes. Il y en a d'autres, au contraire, qui ne doivent pas mourir. Si grands que soient les dangers auxquels ils s'exposent, cela se pressant rien qu'en les regardant. Eh bien, votre cousin est de ceux qui ne peuvent pas mourir. Est-ce que s'il avait pu être tué, il ne l'aurait pas été déjà 100 fois ? Il ne l'a pas été cependant, et ma conviction est qu'il ne le sera pas de sitôt. Un jour ou l'autre, nous le verrons revenir, ou nous recevrons de ses nouvelles. Votre conviction ? Oui, ma conviction. Est-ce que notre conviction ne s'établit que sur des preuves matérielles ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles vous croyez, sans pouvoir vous expliquer à vous-même pourquoi vous avez cette croyance ? Eh bien, ma croyance à propos de votre cousin est de celle-là. Je vous assure que vous le verrez revenir, et il nous donnera des raisons qui prouveront qu'il ne peut pas être tué. Il y a des gens qui marchent dans la vie et à travers les dangers comme s'ils étaient protégés par une cuirasse invisible. C'est ce qu'on appelle quelquefois la chance. Votre cousin est protégé par une cuirasse de ce genre. 20 autres à sa place auraient été tués. Lui ne l'a pas été, il ne le sera pas. Elle ne pouvait pas ajouter une foi absolue à ses paroles, et cependant, elle lui faisait du bien, et elle se les répétait. « Pourquoi pas ? » se disait-elle tout bas. Et dans les conditions où elle se trouvait, c'était déjà beaucoup que de pouvoir douter. Car si, dans le bonheur, le doute conduit au désespoir, dans le malheur, par contre, il mène à l'espérance. Elle était toute disposée à croire à cette inviolabilité prestigieuse dont parlait Michel, et si quelqu'un la possédait en ce monde, cette inviolabilité, c'était assurément son cousin. Mais s'il était vrai qu'il fût encore en vie, pourquoi ne donnait-il pas de ses nouvelles ? Est-ce qu'il était parti pour ne pas voir Michel guéri, devenir le mari de celle qu'il aimait ? Car elle admettait maintenant cet amour, comme elle avouait elle-même celui qu'elle ressentait pour lui. Ah, s'il avait parlé ! Ah, s'il avait su la vérité ! Et elle se reprochait de l'avoir éloigné par sa froideur. C'était en la voyant si calme, si résignée, acceptant sans résistance ce mariage, qu'il était parti, blessé, fâché. Mais alors il était vivant. Vivant, oui, mais en ce cas perdu pour elle, assurément. N'était-il pas parti en Allemagne pour épouser Mademoiselle Lazarus, qui, lui avait-on dit, allait devenir sa femme quand la guerre avait éclaté ? C'était ainsi que, de tous côtés, elle ne trouvait que des motifs de crainte, n'espérant que pour désespérer aussitôt. Les choses en étaient là, lorsqu'un matin, Madame Bénard, entrant dans le cabinet de travail du colonel, où elle se tenait maintenant pendant presque toute la journée, les yeux attachés sur le portrait de son cousin, lui dit qu'un homme demandait à la voir et voulut lui parler sans témoin. « Amenez-le, » dit-elle. « Mais, mademoiselle, s'il est vraiment ce qu'il paraît être, cela n'est pas prudent. Voulez-vous que je place M. Horace dans la chambre de monsieur ? Il sera à portée de votre voix et viendra, si vous l'appelez. Il y a des sonnettes. On peut vous empêcher de toucher au bouton. Ne placez pas Horace dans la chambre de mon cousin, car il ne faut peut-être pas que ce que cet homme veut me dire soit entendu. Mais enfin qu'on se tienne en garde, de manière à venir si j'appelle. Seulement, je vous en prie, ma bonne Madame Bénard, veillez vous-même à ce qu'on n'écoute pas aux portes. » Assez émue par ce mystère, elle attendit l'arrivée de cet homme, assise à portée du bouton de la sonnerie. Elle vit entrer un homme d'assez mauvaise mine, à l'aspect rampant, vêtu, comme presque tout le monde l'était à ce moment, du pantalon à bandes rouges et de la vareuse des gardes nationaux. « Vous avez à me parler, » dit-elle. « Oui, si vous me jurez que personne ne nous écoute, je vous le promets. Ce n'est pas assez, il faut lever la main et jurer que c'est la vérité. » Elle leva la main. Je jure qu'on ne nous écoute pas. Cependant, si j'appelais, on serait à portée de m'entendre et de venir à mon secours, je vous en préviens. Je ne vous veux pas de mal, au contraire, vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, que voulez-vous? Parlez vite. Elle avait le pressentiment qu'elle allait être question de son cousin. Mais au lieu d'espérer, elle craignait. La mine de cet homme lui faisait peur, et il lui semblait que de cette bouche aux lèvres minces, il ne pouvait pas sortir une bonne parole. « C'est-il vrai, dit-il, que vous pouvez me payer tout de suite 10 000 francs en or ?» Elle avait entendu parler de réquisitions qui se faisaient en ce moment. Elle crut qu'il s'agissait d'une opération de ce genre. « Non, je n'ai pas 10 000 francs en or. Je m'en doutais. J'étais rudement bête de me déranger. Mais vous savez, tant pis pour vous. Puisque vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas les lettres. Quelles lettres ? Des lettres que je suis chargé de vous remettre par quelqu'un qui m'envoie ici. » Un mouvement d'espérance la souleva. « De qui ces lettres ? » s'écria-t-elle. « Je vous le dirai si vous me promettez les 10 000 francs. Pour vous remettre ces lettres, je risque ma vie. S'il découvre que c'est moi qui portais ces lettres, mon affaire est sûre, fusillée. On en a fusillé pour moins que ça. Je veux bien risquer ma vie, mais pas à l'œil. Donnant, donnant. Dites-moi que vous pourrez trouver les 10 000 francs en or, et je vous remets un billet qui vous commande de me les payer. Sans cela, je m'en vas. » Un billet commandant de payer 10 000 francs. Il n'y avait que son cousin qui peut écrire un pareil billet. Il était donc en vie. « Vous aurez ces 10 000 francs, s'écria-t-elle. Quand ? Vous devez comprendre que je n'ai pas 10 000 francs dans ma poche. Et un or encore. Il faut que je les envoie chercher. » « Non, je n'ai pas confiance. S'il faut aller chercher les 10 000 francs, allons-y ensemble tous les deux. Comme cela, je serai sûr que vous ne voulez pas me jouer un mauvais tour. Et qui me dit que vous ne voulez pas m'en jouer un vous-même, le billet ? Où est-il, ce billet ? Dans ma poche. Eh bien, montrez-le-moi, donnez-moi la preuve que je dois vous payer ces 10 000 francs, et nous allons ensemble aller chercher. Vous n'avez pas confiance en moi, quelle confiance voulez-vous que j'ai en vous ? » Il se décida enfin à chercher ce billet, et pour cela déboutonna la ceinture de son pantalon à bandes rouges. Sous son pantalon, il y avait une côte bleue. Dans la poche de cette côte, il prit un billet plié en quatre qu'il tendit à Thérèse. Vivement, elle l'ouvrit. Son écriture, c'était bien son écriture. « Veuillez payer 10 000 francs en or au porteur de ce billet. En échange, il vous remettra une lettre cachetée pour vous et une autre pour Michel. Édouard Chamberlain. 20 avril 1871. Vivant !»« Où est-il » s'écria-t-elle. « Ça, la lettre vous le dira quand vous aurez payé les 10 000 francs. »« Partons, » dit-elle. « Vite, venez !» Il sortit si brusquement qu'elle faillit jeter la porte sur Madame Bénard qui se promenait dans le vestibule. « Vivant, ma chère Madame Bénard » s'écria-t-elle. « J'ai une lettre !» À ces mots prononcés d'une voix vibrante, Michel et Horace sortirent de la chambre du colonel. Elle courut à Michel, qui se tenait appuyé sur ses deux béquilles. « Vous aviez raison, dit-elle, oh mon bon Michel !» Et elle lui tendit le billet. « Et où courez-vous ainsi ? » dit-il après avoir lu le billet. « À l'American Bank, pour donner les 10 000 francs à cet homme. »« Envoyez Horace !»« Non, il veut que j'aille avec lui. » Les craintes de Michel s'éveillèrent. Il voulut la retenir, mais elle n'écouta rien. « Je reviens tout de suite, » dit-elle, et s'adressant au garde national, qui se tenait collé contre la porte, une main dans la poche de sa vareuse, comme s'il était sur la défensive. « Partons, » dit-elle. À peine avait-il descendu quelques marches de l'escalier, que Michel se tourna vers Horace. « Prenez un revolver, » dit-il, « et de loin, sans vous montrer, suivez-les. »« Ne craignez rien, » dit Horace. « Avant qu'on touche à Mademoiselle Thérèse, on m'aura tué. »